J'ai tellement rien. Ah non, tout est... Hey, wow. Tu vois, je suis même pas capable d'en lier des mots. Il va que tu m'aides, là. Aïe aïe. Il va falloir que... Ouais, là... C'est bon en tabarnak. On va au moins ouvrir nos webcams, hein? Ah ouais. Attends, puis je vais m'habiller. Ah, c'est ça. Attends, je sers mon pénis. Whoop! Attends, je finis. ok. Ouais. Ça va être... Ah ouais? Ça va être une autre belle semaine, je pense. Ouais, je pense... Ouais, je pense celui-là... Hein. Est-ce que je m'endors? Je sais pas pourquoi, man. Sûrement, mes sangs tumeurs. Mes sangs tumeurs? Ouais, j'ai sangs tumeurs. Ah! Oh! Je pensais que c'était un nom, comme Monsieur Messin. Je sais pas. Je suis le Messin. Messin. Monsieur Messin, tu meurs. Donne-moi tout ton argent, je suis Messin. Sinon, tu meurs. Vous êtes donc ben Messin. Ça commence bien. Les sobères, bères, bères, bères. Hey! Bienvenue à l'épisode 37. 37! Fais-moi un jeu de mots avec 37! 37 les bobettes! C'est... Non. Si vous avez des idées de jeux de mots avec 37, gâtez-vous. Écrivez-nous! Hein. Ce serait le fun que vous nous écriviez maintenant, pendant qu'on enregistre, pour que... Ouais. pour qu'on l'aide d'ici la fin de l'épisode. Il écoute jamais! Ah, c'est ça! Comment ça, donc? Ok, on va faire un live Facebook là. C'est pas vrai. Est-ce qu'on fera jamais de live Facebook? Ouais. Je pense qu'on peut pas se permettre de montrer que ça prend 3 heures d'enregistrement pour faire 1 heure et quart de matériel. Les gens sont pas prêts à voir. 1 heure et demie d'enregistrement pour 1 heure et quart. Là. Exagère pas, Stéphane, okay. Calice. C'était plus drôle de ma version. Là. La réalité, des fois, ça a besoin d'être augmenté. Ouais. Comme mon pénis! Hein? Et ça, c'est un segue vers mon segment sur le Google Glass. C'est pas vrai. Mais ça aurait été un très bon lien. Mais j'ai pas rien à dire sur Google. Sais-tu? Qu'est-ce qui arrive avec c'est ça? Mort, Google Glass? C'est mort, mort, hein? Y a pas d'autres itérations de ça? Je pense pas. Qui veut ça? Pas moi. Moi, j'aurais peur de me promener avec ça. Si je vais me faire un mug. Crise de lunettes à 2000$. Que, t'sais, voir, non, mais tu sais, voir. T'as l'air d'un tool. Ben, t'as l'air d'un esti de merde. Puis en plus, n'importe qui peut juste tirer tes lunettes puis les prendre. Puis les péter, ouais. Ils vont partir avec. Comme... Ouais, c'est bizarre, man, comme truc. Puis t'es pas déconnecté, y'a-tu accès à tous tes mails? Puis à ton compte Google? Je sais pas, ouais. T'as jamais besoin d'un... vu, man, je pense que j'ai... Ouais, moi non plus. J'ai jamais checké, comme... Même de quoi ça a l'air quand tu regardes dedans. En plus, c'est genre un mini carré sur le top de ton œil, genre comme... Non, c'est ça. Ouais, ça avait pas de l'air cool à l'époque, ça a toujours pas de l'air cool. Non. Bah, t'sais, j'imagine, c'est peut-être un peu désuet avec ce que le... Microsoft essaie de faire avec machin. Là. HoloLens. Ouais. Ouais. C'est pas exactement la même chose, mais en tout cas. HoloLens, tu te promènes pas avec ça jamais. Man. Oui. C'est genre. T'as l'air de Monsieur X-Men Cyclope. Mais c'est ça. Plein de monde qui veulent ça, avoir ce look-là. Ouais. Ça, c'est le look du futur. Ouais, je pense aussi. On dirait genre le rhume, man. Moi, j'ai... C'est ça. Moi, je suis sûr que non, mais je sonne comme oui. Ouais, mais c'est ça. C'est genre, je me sens comme oui, mais pas à 100%. Alors, juste un peu. Moi, je sais qu'on m'examinerait, là, on me dirait, non, vous avez 0% de rhume. En fait, vous avez moins 5 de rhume. Vous avez plus d'anticorps contre le rhume. Puis je sonne quand même comme si j'allais être malade. Comme si c'était la fin de ma vie. Je sonne toujours un peu comme si c'était la fin de ma vie, comme j'étais sur mon lit de mort. En fait, c'est ça. Ça, on le dit pas, mais moi, je suis couché. Depuis l'épisode 12, je pense que c'est mon dernier sorbet, puis je crève pas. Exact. C'est correct. C'est un long adieu. Écoute, on documente ça comme ça on peut. Ça vaut la peine. Ben, okay. Les gens veulent savoir ça. Hein. Tu sais, des podcasts de gens mourants, il y en a pas, je pense. Là. Non, je pense pas. Je pense que ça se compte sur le bout des doigts. Nous autres, on entre en entrée de jeu, la mort. On est des gens joviales comme ça, nous. Parce qu'on s'était dit, en fait, le thème de l'épisode 37, c'est être jovial. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que... La jovialitude. C'est pour ça que le reste du temps, on va aller sur les forums de jovialdeo.com. C'est comme un jeu de mots de jeu vidéo. Non, c'est jeu vidéo. Oh, oh! C'est pas vrai. Oh shit, ouais. Je me suis rendu compte à la fin de mon jeu de mots que ça se pouvait pas ce que je disais. Là. Ouais, non. Non. Il y a des semaines que je trouve que je parle pas vite, puis là c'est une de ces semaines-là. Je vous conseille déjà de le mettre à 1.5 cette semaine parce que vous allez me trouver là, regarde Chris. Voyons, si me semble j'avais une note. Nice. Je sais pas qu'est-ce que ça fait mais cool point. Quoi? J'ai ça comme note, je sais pas d'où ça vient. C'est cool point ou la note c'est je sais pas qu'est-ce que ça fait mais cool point? Non, c'est je sais pas qu'est-ce que ça fait mais cool. Hein? Là, quand tu vas prendre tes notes, il va falloir qu'à un moment donné, t'écrives plus de détails. Tu comprends jamais ce que t'écris. C'est peut-être, t'as peut-être résolu quelque chose, là, un des plus grands problèmes de l'humanité, puis tu t'en souviens pas. Ça, c'est avoir un peu trop d'espoir en moi. Peut-être que tu devrais, tu sais, là, enregistrer avec l'application Dictaphone. Lundi, je sais pas quoi, mais cool. Parce que la tanière des loups. Je sais pas, j'étais pas là quand t'as écrit ça. Là. Écrivez-nous, hein, si vous pouvez nous écrire pour nous dire qu'est-ce que Mathieu voulait dire par sa note. Ouais. Ça nous aiderait. Parce que le show d'aujourd'hui. Finalement, c'était ça, man, c'est la seule nouvelle note. Parce que le show d'aujourd'hui, c'était pas mal sur les épaules de ce note-là. Exact. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça part de... Quand t'as écrit ça, sais-tu? Je sais pas, non, mais. T'as pas une date? T'as pas une date, à une heure exacte, que tu pourrais te souvenir exactement t'étais où quand tu l'as écrit, pis à quoi tu pensais, pis à qui tu parlais? Ben c'est peut-être... genre... Je pensais écrire sur Skype ou quelque chose genre... Mais j'ai écrit dans le truc de notes. Ok, là t'as quelqu'un de fâché quelque part que t'as jamais répondu... c'est ça, il me répond pas! Voyons, là, mais ça serait quoi, une réponse à quoi de bord? Encore une fois, t'as pas l'heure, t'as pas rien de ça. Attends, peut-être. On a rien que ça à faire. Fait qu'on va retracer d'où ça vient, cette crise de notre vie. Ah, mais aujourd'hui, là. Oula. Oula. Oula. Oula, c'est difficile. Voyons, calé, c'est où ce qu'on trie. Il est où que le tri? Ah, bon, last date modified, ok. Le 3 février, donc. Okay. Vendredi. Ouais. À 9h27. Du soir. Fait que t'étais chez vous. Oui. Okay. C'est peut-être ma blonde qui l'a écrit. Attends. Ta blonde a écrit ça ou toi tu l'as écrit? Elle a écrit? Non, mais attends, vendredi, qu'est-ce que j'ai fait? C'était fait vendredi, Mathieu. Ouais. Puis là, t'as fait de quoi de vraiment en croche, puis tu peux pas le dire dans le podcast, fait que là, ça va te bloquer. Non, j'étais chez. J'étais. What? J'étais allé manger de la poutine. Oui, c'est le soir. C'est le soir que j'ai fini plus tard. Hey, on s'est croisés dans le métro. J'ai mangé une grosse tout seul. Genre. Ben, ça arrive à certains là. Ça dépend des dates. Ah. Nice. Plus tu y penses, plus c'est cochon dégueu, genre. Ouais. Comme, mais non, mais genre, on était avec Lucie puis une de ses amies. Puis tu sais, ils ont pris. Fait que tu l'as pas mangé tout seul. Ah! Okay, j'arrête. On a pris ils ont pris une format normale, moi une grande. Genre, j'étais comme, je l'ai fini, pis j'étais comme, je suis plein. Lui, il était comme, on est tellement plein, on a tellement mangé. Pis là, moi, genre, quasiment avec la larme. Quasiment avec la frite qui te sort de l'œil, là, comme. Le gravy. Le gravy. Ah, c'est ça, mais c'était bon. Est-ce que c'était bon? Le lendemain, j'en aurais remangé. À la banquise? L'as-tu mentionné? Ouais, non, à la banque. Ouais, banquise, fallait-tu t'attendre longtemps? Oh oui, Chris! T'en souviens-tu? Oh! Oui! Je me rappelle c'est quoi! Oh! C'est parfait! Yes, c'est l'épisode est sauvé! Parfait! Là, plus besoin de nous écrire, on l'a, là. Ah. L'épisode est sauvé. Le 37, ça va être écœurant. Oui, c'était dans le métro en revenant. Parce que il y a un gars, il était tout petit. Il avait des tout petites jambes, mais il était comme vieux. Tout petit mince ou tout petit... Non, genre borderline nain. Danny DeVito, genre? Ouais. OK. Ouais, mais plus jeune. Puis genre, il y avait un sac de trucs électroniques qui s'était acheté. Ça valait genre un mini-clavier puis un autre truc. OK. Puis là, à un moment donné, il y a un gars qui rentre. C'est un... Tu sais, tu vois que c'est du monde qui se connaît. C'est pas nécessairement des amis, mais pas juste des connaissants. Mais bref. Tu parles un peu, puis il fait « Hey, salut! » Puis là, le petit gars, il est comme... Il sort son truc du sac, fait hey, « je me suis acheté ça, blablabla », le gars. Et puis là, il met dans les mains du gars, le gars, il prend, il fait « je sais pas ce que ça fait, mais cool ». Puis là, il ridonne, j'étais comme « ah, c'est awkward, ça fait mal ». Voyons, quel jeune, il montre ça à Danny DeVito, et plus jeune. Non, c'est le plus, c'est le Danny. Ah, c'est Danny DeVito qui l'a montré. Ouais, mais c'était un gars, il devait avoir, genre, quasiment 30 ans. Hein. Entre 28 et 32, mettons. Ah, ok, mais j'ai compris à l'envers, là. Non, ah, non, non, Chris, ouais, c'est lui qui avait son sac de trucs tout petit, puis ben c'est genre ses pieds touchaient pas à terre dans le métro, là, assis. Mais c'est ça, j'étais comme, c'est awkward, ça fait mal. Je sais pas que ça fait, mais cool. Ouais, tu vois que le gars était comme, pourquoi tu me donnes ça, man? Mais tu sais, ça, c'est-tu la réponse négative, mais polie, la plus polie qui existe, là? T'sais, tu sais, tu peux répondre ça à n'importe quand, je sais pas que ça fait, mais cool. Comme, ah ouais, tu peux pas rien rajouter à ça, là. Non. Comme tu vois, non, je suis pas exact. Intéressé, mais ok, je veux partager. Il s'informe pas, genre, qu'est-ce que ça fait ou quoi que ce soit. C'est, ah, je sais pas si ça fait, mais cool. Je sais pas que ça fait, mais cool. Tiens, reprends-le. je savais que c'était. Il est sorti avant toi, dans le métro? Je sais plus, oui, il est parti avant. Quelle station? Je sais plus. Ah, Chris, je sais pas. On aurait pu essayer de le retrouver. Écrivez-nous si vous connaissez un jeune Danny DeVito qui monte des objets à 10 mètres. Il ressemblait vraiment pas à Danny DeVito, c'est juste la grandeur. Pas. Moi, dans l'histoire, je me suis fait dans ma tête, c'est Danny DeVito que je vois, mais il. Ouais, non, il était genre, c'est comme si tu t'entends, il avait genre les cheveux blonds au court avec un piercing dans le nez. Ah, fuck, ok. Ok. Ouais. Là, je vois quand même Danny DeVito qu'une perruque. Fait que. Tu vois qu'à soi, mon imagination se limite à Danny DeVito pas mal. Là. C'est tout. Je sais pas que ça fait, mais cool. Okay. Je vais me mettre à répondre ça à tout le monde. Je sais pas que ça fait, mais cool. Je sais pas que ça fait, mais cool. C'est tellement. C'est pas passif-agressif, mais c'est passif parce que c'est. Ouais. Ouais, c'est. Ouais. Comme pourquoi tu me montres ça, mais. Ouais, okay. C'est ça. Okay. Exact. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est juste avec dire pourquoi tu me montres ça avec du tact. Ouais, c'est ça. Ouais. Je sais pas que ça fait, mais cool. Bon, Chris, épisode sauvé. Ouais, c'est mais le nom de ce type d'épisode. Ben, oui. Ça n'a pas le choix, je l'ai dit 15 fois. Ouais. Ok. Hey, moi, ben, parlant de métro, la semaine passée, j'ai commencé à jouer au jeu Shantae dans le métro avec ma 3DS. Qui c'est un long nom de jeu. Shantae, je sais pas, je pense que c'est le 3, c'est Pirate's Curse, peu importe. Mais bref, c'est un platformer. Le nouveau, ou... C'est l'avant-dernier. Ok. Mais c'est un, tu sais, c'est un platformer, comme bien normal, qui a un look un peu Super Nintendo, là, pixel, puis il est le fun, le jeu est le fun. Sauf que Chris, il y a beaucoup de dialogue, puis tu sais, tous les personnages dans ce jeu-là sont énormément boulés. Pis ils sont pas énormément habillés. Ouais! Munis de poitrine. Gros intense. Des gros tétons, des nénés. Ouais, ben disons ça comme ça, mais bref. Des ronds plomb-plomb. Pendant les dialogues, j'ai l'air d'un calis de creep avec mon astuce avec des gros trucs qui a l'air d'être du hentai et calis. Genre, j'ai fait comme Chris, je suis passé dans le métro. Asti, genre, j'avais une mission, c'était. Y a pas de piscine. Y a pas d'eau dans la piscine. Puis là, il y a un steak, mais bref, là, tu fais de quoi avec une bébite qui rouvre sa bouche, qui jette plein de bave dans une piscine, pis t'as deux filles qui, là, qui se mettent en costume de bain, puis qui se baignent dans la bave, genre. Bref, c'est en pixel, sauf que pendant les dialogues, t'es voit en costume de bain, c'est tout le temps des gros artwork qui prennent quasiment la moitié de l'écran. Puis c'est comme, il y a au moins 30 lignes de dialogue de juste les autres qui font splish-plash, puis qui se baignent. C'est comme la langue sortie. Ben quasiment, ils sont tous tortillés, puis les boules quasiment en 3D par en arrière, comme, calisse, man, j'ai l'air de quoi dans le métro? J'ai l'air d'un otaku. Ben c'est ça, exact, j'ai l'air d'un esti de marde de Chris, de tripeux de furie, de calisse, là. J'ai hâte d'aller coller mon body pillow. Body pillow? j'en ai plus. Ok, c'est fini cette phase-là. C'est ça. Mon body pillow de Danny DeVito, il a fait son temps. À un moment donné. Ouais, mais là, dans ce cas-là, lui, c'est un pillow normal, mais avec une tête d'oreiller de Danny DeVito, non? C'était vraiment Danny DeVito lui-même qui venait chez nous, en fait. Je peux dire ton pillow, ton body pillow. Mais elle était bonne, c'est parce qu'il est petit. Mm-hmm. Mon manque de réaction, c'était pas parce que je l'avais pas compris. Oh. Ouais, je t'avais... Pourtant! Ça me rentre dans l'oreille puis ça me sort de l'autre. Danny DeVito, bien membré. Ben, c'est plus extra mince mais longue. Extra mince mais longue? De toute façon, il m'a montré, je faisais... Je sais pas ce que ça fait, mais cool. Nice. Bon, ben, retour du segment baladoquebec.ca. Oh oui! On va aller voir qu'est-ce qui se cache sous le top 5 cette semaine. En premier, nouveau podcast sur Balado Québec. Un podcast presque parfait. Le nouveau podcast de Mike Tremblay du Supermatozoïde, qui est en première place avec 4 votes, 5 sur 5. Ensuite, en deuxième position, le Serge Bellemare Show, dont je vais en mettre un extrait ici. Aujourd'hui, Alexandra Delgado nous interprète Kissy Kissy Time. Kissy kissy time, on the cheeks, on the nose, on the... En troisième position, le podcast L'autre côté, qui a un seul épisode qui fonctionne pas, mais quand même, troisième position avec 4.1 étoiles sur 5, bravo L'autre côté. En quatrième position, le podcast Avoy Tabarnak. Et en cinquième, hey, c'est nous autres, les sorbets du Character Move, fait qu'on est quand même encore dans le top 5, là. Hein? On jurait que c'est... pas voulu. Ben non, y a pas quelqu'un qui manipule tout le temps le top 5. Non, mais... En tout cas, on n'est pas dans les tendances de la semaine. Fait que le je pense que c'est la fin du sorbet love, là, la lune de miel du monde qui faisait comme « Oh, ils ont été mentionnés, ils doivent être bons. » Parce que là, ils se sont rendus compte, après des épisodes, comme « Ah, pas sûr. Ouais, c'est ça, ça, hein. Ça. Fait que voilà, c'est ça. Mais c'est correct, vous droppez au pire épisode, là, le 37. Probablement qu'ils l'écoutent pis ils font, ouais. Je sais pas quoi ça fait, mais c'est cool. Fallu faire notre épisode spécial de boire. Ouais, ben on peut le faire là. Je suis pas très équipé. Ben ça on le sait, on en parle tout le temps. Oh! C'est juste des jokes de graines depuis le début. Mais ouais, là, by the way, Balado Québec, tu sais, je prends le top 5 un peu comme en farce, parce qu'il est facile à manipuler, là, mais j'ai pas rien contre la plateforme. Je veux juste mentionner que c'est comme, je veux qu'on sache que la plateforme, c'est important qu'elle soit là, parce qu'il faut des plateformes comme ça au Québec, comme RZO, puis Radio H2O, Puis tu sais, la Radio H2O, c'est important qu'ils soient là, ces plateformes, mais je trouve le top 5 ridicule, parce que le concept du top 5, en partant, je suis pas tant d'accord, vu qu'on n'est pas beaucoup. Mais en plus, c'est un top 5 tellement facile à manipuler puis à chier les scores pour rien. Genre, ce top 5-là, je l'ai créé de toutes pièces en votant moi-même. Là. Genre, il y a personne d'autre qui a voté Chris là-dedans. Ouais. Je suis sûr que c'est tout moi. Là. Mais en même temps, si t'as ce pouvoir-là, c'est peut-être aussi parce que la plateforme, il n'y a pas beaucoup de monde puis on s'en crisse un peu. Pas on s'en non, crisse, ben oui, oui, mais je trouve... Tu sais, pourquoi c'est là? Là l'autre côté, moi, mon but, c'est d'emmener l'autre côté... au top, là. Parce que ça me fait rire qu'un podcast qui fonctionne pas soit le top 1 sur un site de balado. C'est quand même assez particulier, là. Ouais. Voilà, c'était le segment balado. Hey, man, je suis pas là aujourd'hui, hein. Je suis ici! Non, je suis ici! Oh, c'est atroce. Non, mais j'ai volé du contenu d'un autre podcast pour qu'on puisse discuter. Yeah. Nice. Je vais mettre l'extrait en poste, mais bref, il y a un mois, avant que le podcast du Tabarnak tombe en vacances, dans le dernier épisode qu'il a fait, je pense, ou c'est peut-être l'épisode d'avant, mais il a lancé une idée qu'il avait, puis je sais pas pourquoi, cette semaine, je me suis rappelé de ça, j'ai fait comme, Chris, ça sert à rien, ça a pas de sens, genre, fait qu'il fallait que je t'en parle, je voulais qu'on parle de ça, voir, y a-tu, c'est moi qui comprends pas, mais là, je veux pas y mettre des mots qu'il a pas dit. Mais je vais mettre un extrait au pire. Les petits biscuits premium, là. Les petits biscuits soda, là. Qui viennent avec la soupe, là. Moi, j'ai pète dans le sac. Il y en a plein qui font ça. Tu sais, là, t'es pète dans le sac, t'es Chris dans ta soupe, tu mélanges ça. Tu sais, il me semble que c'est le bon Chris, c'est la méthode, là. Mais pourquoi qu'ils en feront pas des pré-fouérés? Ça coûterait rien, là. Tout ce que t'as besoin, c'est que le sac, là, quand il passe, là, ça belt, là, avec les petits biscuits dedans, là. Fait juste mettre un petit roller, genre bossu, mais pas trop pour pas péter le plastique, là, juste pour les effouérer. Moi, je pense que des premium pré-pétés, ça a sa place dans le marché. Faites deux catégories, si. Faites, c'est comme traditionnelle crémeuse, là. Biscuits secs carrés ou pré-crapou. Pré-fouérés, moi je prendrais les pré-fouérés, puis ça existe pas, fait. Puis il dit comme, mais pourquoi qu'ils arrivent pas déjà tout péter? Parce que nous, tout le monde les pète. Ben non, moi je les pète pas. T'es pète pas, toi? Non, je mets du beurre dessus. Voilà l'argument béton. Mais mettons, okay, mettons que t'aurais le choix. Je les veux pas péter, moi. Ben, j'ai pète pas mes estis de biscuits! Le pire, c'est que j'ai pas tant de notes, mais j'ai comme tout mon argumentaire sur cette question-là parmi nous. Fait que, tu sais, c'est ça, comme toi, t'es le meilleur exemple de contre, parce que toi, tu mets du beurre dessus, tu le manges de moins, tu manges pas dans ta soupe. Mais, ou ben, je la trempe un peu avec le beurre dans la soupe. À la limite, t'aurais le choix, là, tu sais, la serveuse t'aurait, tu veux-tu péter ou pas péter, tu sais, mais tu sais, rendu là, tu veux-tu avoir ce choix-là de plus, là, à quoi ça sert? Ouais, tu peux le faire, ça prend 3 secondes. C'est ça, exact, puis en plus... Ouais. Mais là, je me sens mal, ça fait comme si on se chicanait quand, avec lui, genre, c'est comme... Non, non, mais je sais, mais c'est ça, en plus, c'est crissement sale, parce qu'il peut pas nous répondre, en plus, il fait plus de podcast ces temps-ci, parce qu'il est loadé du Chris, fait qu'en plus, ça va être trop tard, mais qu'il puisse en refaire, fait que, tu sais, on fait ça, dans le fond, c'est juste sale. Mais je me suis vraiment posé la question, comme, Chris, ça se peut-tu? Puis j'ai pas trouvé une façon, comme, une façon de voir cette idée-là, d'une façon que ça serait utile pour vrai. Parce que justement, c'est ça. Là, faudrait que tu demandes une autre. Tu veux-tu tes biscuits soda pétés ou pas pétés? Ben, excuse-moi, il nous aurait juste des pétés. Tu sais, oh, je l'oublie complet. Sinon, en général, les gens sont formatés à acheter de la bouffe qui a de l'air propre. Tu sais, on veut pas acheter des légumes laits, des fruits laits. Fait que tu sais, un paquet de biscuits soda, tu sais, s'il y a de l'air pété, tu vas faire comme, oh, il y a de l'air taponné, j'ai pas envie de manger ça. Tu sais, je pense, monsieur, madame, tout le monde aurait cette impression-là. Ouais. Mais ça, c'est un autre problème, ça. Non, mais je sais, mais je rentre ça là-dedans, là. Il pourrait avoir l'option de... Tu sais, en usine, je sais pas s'il en pète. Sûrement pas. Sûrement pas. Si en... Ouais, pas tant, c'est des machines. Ben, s'il en pète, au des pire... Des marines. Ben, tu sais, dans le sens... Ouais, c'est sûr qu'il y en a qui sont pétés pendant qu'ils font, ouais, mais ils doivent faire d'autres choses avec, forcément. Mais je sais pas, ils en pètent-tu? Parce que c'est pas... Tu sais, c'est souvent des machines comme... Pic, pic, pic. Ben, ça arrive, là, comme, tu sais, il arrive n'importe quoi, là. Tu sais, j'ai déjà travaillé chez Lactantia, puis t'avais des trucs de ficello qui se pognaient dans les emballages de fromage, fait que ça scrappait une petite. Ouais, mais assez pour que, genre, ça fasse comme un supply, comme constant de ficello pété, ou? Ouais, non. Ok, pas à ce point-là. Ok, ouais. Ouais, tu sais, c'est ça, c'est plus ça. Parce que mon argument, ça aurait pu être ça. Ça peut être une option de juste pour enlever du gaspillage, mais il y en a sûrement pas. Non, c'est ça. C'est sûr que c'est tout récupéré quelque part, forcément, là. Ouais. T'sais, chaque ficello qui passait pas dans la machine chez Lactantia, c'était redéballé. T'sais, s'il était pas correct, c'était déballé, puis ça allait se faire fondre en arrière. Délicieux, hein? Sinon, t'en fais combien de variations? T'sais, t'as complet, puis pété, mais si, mettons, moi, j'aime ça avoir des gros chunks, t'sais, genre, mettons, 4-5 morceaux au lieu, puis il y en a un autre qui aime ça l'avoir en sable, genre. T'sais, tu fais-tu comme 6-7 variations de sorte de biscuits soda foirés? Faudrait... Mais là, sinon, ils vont se dire, ben là, prends-en un pas trop pété, puis pète le plus. Ben, c'est rendu là, prends-en un pas pété, puis pète là, tu sais, Chris. Quand tu commandes une soupe, ok, quel niveau de croquant pour ton biscuit soda? C'est, ça vient lourd, là. Oh, j'ai un croquant à 6. C'est un esti de biscuit soda. Ben, c'est ça, Chris, c'est des biscuits, tu sais, c'est ça, exact. Mais, tu sais, c'est sûr que c'est une farce en plus, puis j'ai tellement rien cette semaine, là, que là, c'est ça, je me retrouve à répondre à des questions de podcast vieux d'un mois. Comme s'il était attaché dans une pièce avec quelque chose qui avec un gag ball, genre, pis il peut pas répondre à tout ce qu'on dit. Pis, ça sonne l'impro, ça. Ok. Bon. De toute façon, le monde qui nous a entendu qui ont fait, oh, Chris, je le sens pas, probablement qu'ils sont déjà partis. Fait que si vous êtes là, ben vous êtes. On va aller dans les F cette semaine. Bref, conclusion, je trouve que c'est pas nécessaire d'avoir différentes variations des foirages de biscuits soda. Parce que complet, tu peux décider si tu veux complet, si tu veux effoiré, c'est toi qui as le contrôle là-dessus. La compagnie n'a pas à se faire chier à faire des variations. Il n'y a pas quelqu'un dans le backstore d'un restaurant qui va faire comme, oh, Chris, il manque des effoirés, je vais prendre des moins effoirés, je vais y faire pour organiser ça. En plus, ça ferait que tu pourrais avoir du monde pas content. Parce que, tu sais, mettons, ah, on n'a plus de complet. T'es pogné quelqu'un avec les estis de graines pis t'es veux pas, genre. Tandis que si t'as juste des biscuits complets, ben t'as le stock avec juste ça, pis c'est tout le monde qui est servi avec les biscuits complets. Pis là, tu sais, si t'arrives à un point qu'il faut que t'aies plus de biscuits complets, ben forcément, c'est moins populaire, là, c'est les autres. Ouais. Fait que... Non, mais c'est sûr... c'est complètement inutile. C'est maintenant l'heure de la LUI, la Ligue Humaine d'Improvisation. Une farce tragique. Fait que... C'est tatoué dans 30 secondes. J'espère que t'es prêt. Le public à soir est pas en forme. Écoute, j'essaie de réchauffer, man, mais si ça rit pas pantoute, là. Ok. Veux-tu okay. de l'eau? Ouais, un peu. Check, garde. Même que tu y ailles, garde. Garde, je vais être là. Tu m'as-tu amené le verre d'eau? Ben, je te l'ai offert, mais je te l'ai pas donné. Ok. Je l'ai déjà bu, mais il en reste pas. Il y en a pas offert. J'espère genre, que... ok, je vais essayer de faire ça. Ok, je vais te présenter. Ok, là, viens accueillir Timothée Lalonde, la première fois ici. Ok, viens là! Merci. Alors, vous prenez le poulet, et vous prenez le pain et le céleri, et vous remplissez le poulet du mélange. Ah! Est-ce que tu t'appelles? Oui, Joe, merci. Voici le poulet farci. Sans crise du poulet, t'appelles? T'es poche? On veut marier aux gens? Je suis pas venu ici pour ça. Bon, ça va t'être, t'appelles? Il y a plus personne sur la scène. Qu'est-ce que moi, y aller, moi, calice. Je vais leur montrer, moi, si je m'en reste là. On a un problème, c'est toi aussi, l'animateur de la scène. Le présentateur qui aurait fallu qu'il dise bye. Ok, ben, veux-tu. Lui, il est encore dans la foule. Là, il tient. Parce que là, ils ont comme un peu la même voix, mais moi, je me recule la chaise pour donner l'illusion plus loin. Ok, bon. Ok, bon. L'animateur, il est là. Hey, monsieur, descendez de la scène, calmez-vous, là. Hey, là, ben là, il est rendu à 5, mais fait qu'il est plus loin. Ouais, non, regarde, je vais le faire, le numéro, je comprends. Non, ouais, mais c'est pas super facile. Ah ouais. Ok, étant soin. Faites-le, votre blague. Ok, si tout le monde va bien, hier, aux nouvelles, Vous êtes ben gay. Monsieur, Chris, hier, aux nouvelles, j'ai vu, Rudy Kaya sauter sur un trans. Pis là, j'ai dit, je le savais, à cause de sa chanson, un jour je vais sauter sur un trans. Hein? Qu'est-ce que c'est? Hey, c'est pas facile, hein? J'espère que vous mourrez. Hey, c'était une de nos plus en personnage. Ouais, pis c'était la pire aussi, hein? T'as remarqué? Ouais, t'es pas... Ben, au moins, on n'a pas décroché, presque. Non, à part le bout que j'ai oublié que j'étais un autre personnage. Ouais. Mais c'était quoi, une farce tragique? Ouais, mais c'est tragique. Farcile... Mais... T'es dans le thème, là. C'était très bon, ça. Moi, je nous donne... Nouvelle impro? Comme sujet, c'est le nom que ma blonde me donne. Le faiseur de désert. T'es sûr que ça va être une impro, là? C'est peut-être too close to home, là. Non, c'est vrai, quoi? Pas je me suis déjà pu. Non, on le fait pas, lui. Le faiseur de désert. C'est quoi une fêlure? Quelque chose qui est fêlé? Mais c'est une fêlure, pas fêlure. F-E-L-U-R-E. F-E-O. Fêlure. On va aller voir. Ouais, ça m'a trouvé fêlure aussi. Fêlure. Oh, t'as un petit peu. Pour moi, c'est une faute, ça. Parce que, ouais, peut-être, parce qu'après ça, après, il y a femme de ménage passe tout genre deux fois. Ouais, même l'exemple fêlure, c'est dans l'exemple, il y a accent circonflexe, genre. Fait que même le descriptif, fait que c'est fêlure, puis il y a quelqu'un qui a décidé d'inventer ça. Ok, on en fait une autre. Fifre et flonflon. Oh, vous voulez de mes flonflons? C'est pas vrai, tu vas pas te comprendre. Oh non, je suis pas capable. Bonjour! D'impro, je suis le fifre. Fifre? Et moi, les flonflons. C'est quoi fifre? Mais fifre et flonflon, c'est malade, là. C'est juste. Attends, faut que je sache de vue. Ok, attends. Petite flûte traversière à 6 trous au son aigu et au timbre perçant. Utilisé autrefois dans les fanfares militaires. Fait que la petite voix que j'avais, c'était parfait pour quelqu'un qui s'appelle le fifre. Flonflon, c'est... les flonflons d'un... Les joyeux flonflons. Les flonflons d'un... En plein vent. Et, quoi? Avez-vous été sifflé au funambule? Man, je comprends... Attends. J'ai fucking rien compris de ce que tu viens de dire. Accord bruyant qui termine certains morceaux de musique populaire. C'est un flonflon. Alors, comme, ok, comme même temps, dans la, t'sais, j'ai de la misère au calvaire, flon, flon, c'est sûr et ça. Non, c'est, non, j'aurais aimé ça d'en trouver une meilleure, t'as peu. go, lâche pas. Mon ange, il est, non, t'as peu, never, ok, c'est, never gonna give, never gonna give, give, flon, flon. Genre, c'est ça qu'il veut dire? Ouais. Flon, flon. Flon, flon. Un flonflon. Un flonflon. Ah, flonflon. Flonflon. Tabarnak. Flonflon, esti, genre. Ça, c'est le gars qui a trouvé ce nom-là. Cette journée-là, il a clairement... Tu sais, il est clairement parti à midi, là. Il y avait d'autres choses cette journée-là. Il a botché le matin. Lui, il a passé le reste de la journée au centre d'achat à s'acheter des cochonneries chez Rossi. Puis il a pas mis aucun effort. Il y a pas d'amour dans ce mot-là, là. Est-ce-tu de magasin plate, Rossi? Ça fait une couple d'années que je suis pas allé. T'es-tu allé? Hey man, non, mais... C'est... Ouais, je suis allé dans le coin de Noël, au Saguenay. Conte-moi ça. Oh, man! Non, mais y a rien à compter. C'est juste un genre de Walmart avec deux rayons par... Deux genre, mettons, une... Deux étagères par rayon, genre. C'est pas tant un Walmart. Avec des trucs plus ou moins à jour. C'est ça, c'est plus un. C'est comme un. C'est un truc que ça récupère du vieux stock de Walmart. Ouais, c'est ça. Exact. Qui a pas été vendu en 87. Mal. Ça fait tellement mal. Rossi, pis. Qu'est-ce que t'as mieux, toi, Tigre Géant? Ou Art? Ou Corvette? Quoi? Tigre Géant? T'as pas ça au Saguenay, un Tigre Géant? Non. Ah, oh, man. Check. Écrit Tigre Géant juste pour voir le logo de ce petit magasin-là. C'est le pire crise de logo du calice, là. C'est un magasin genre Rossi. Ah, là, nice! Puis c'est moins pire que l'album de Rock City. Ben, c'est probablement le même gars, là. Ouais. Il a fait ça dans... Je trouve pas si pire, ça fait... Il a fait ça dans la même avant-midi, avant de partir à midi pour aller au Rossi, là. J'ai pas, mais je trouve pas ça si pire. Ah, c'est-tu que je le trouve lettre, là? Tu vois, il a l'air d'un rip-off mauvais de Bugs Bunny, mais ouais, remis en tigre. Eh non, man, on n'a pas de tigre géant. Ben, comment ça, donc? Si vous avez rien au Saguenay? À l'intérieur, ça donne bien l'air de Maxi, man. Mmh. Toi, t'es jaune, asti. Ouais. Et en fait, comme, le tigre, c'est jaune, mais pouvez-vous mettre du jaune partout qu'on se souvienne qu'un tigre, c'est jaune, puis que c'est géant? Surtout que c'est vraiment jaune. Il y a plein de linge, puis plein de légumes, là, à vendre. Plein de fruits, je sais plus. Je suis déjà allé une couple d'années à Vito, mais je suis pas retourné d'un tigre géant depuis. Bref, écrivez-nous, hein, vos expériences de tigre géant. On veut savoir ça. Je pense que l'épisode 38, c'était un spécial tigre géant. On en avait parlé tantôt. Puis c'est ça que... Hey, on en essaye un seul avec un sujet moins farfelu. OK. Ah, on le fait pas fifron et flaflette? Je me rappelle. Fifre et flonflon. Fifre et flonflon. Fifre et flonflon. Non, OK. Adieu aux larmes. Je vais m'ennuyer, man. Check, là. Ça fait longtemps que je t'en parle de ce Arrête, là. Tu me mets mal à l'aise. Ma mère est là. Oh, okay. Je veux pas qu'elle sache que je suis noir. Mais... Bon, mais je l'ai tué. Je suis désolé. Tabardin. Hey, je pense qu'on a un appel. Allô? À qui je parle? Salut, c'est les grandes gueules! Non, je sais pas. Ouais, moi, je le savais vraiment parce que j'ai essayé d'imiter le rire à José, fait que... Ok, t'as peur. Autre appel, là, c'est parce que j'ai comme buggé. Ouais. Je pensais que j'allais sortir de quoi. Ouais, je pense qu'il faut s'en tenir aux appels. L'impro, non, c'est comme trop. Les appels, c'est comme moins. C'est plus. C'est moins libre. On est comme pas assez bon pour être libre. Non, c'est ça. Ok, je vais commencer. Je vais commencer un autre appel. Oui, allô. Bienvenue au Sorbet. Salut. C'est Mathieu Gilbert. Mathieu Gilbert, vous venez de où? Je viens du Saguenay. Ouais, tu restais sur quelle rue? J'en connais. La rue, je connaissais un autre Mathieu rue, Gilbert au Saguenay. La rue Jacinthe. C'est le cutter. Un 3. les bleuets puis de la tourtière. Ça vient de la région. Qu'est-ce que tu mets dans la tourtière déjà? Patate, steak haché, bœuf, poulet haché, nope. Porc haché, veau haché. Moi, je pense que vous êtes un sale venteur, menteur. Ah oui, ce temps-là, j'enlève mon masque. Claude. Stéphane Demers, ça oh fuck! je voulais sortir un nom genre Claude Legault. Hey, c'est-tu... Ah, Chris, que c'est le pire hostie d'épisode de tabac. Je sais pas où je... J'ai déjà... Man, j'ai déjà fini mes notes. Puis c'était pas bon, là. Hey, il y a un appel, je pense. Oh, Chris, je pense que lui, je suis convaincu que c'est une vraie personne et pas moi qui essaie de faire une imitation ridicule. Bonjour, bienvenue au sorbet du caractère mou. Vous êtes sur vraiment... Bonjour! Bonjour, êtes-vous le fifre? Non! C'est qui? C'est qui? J'anime un podcast. C'est très bon, hein? On est populaire au bout, là. Qu'est-ce que vous faites dans mon appareil? Vous avez appelé. Monsieur, madame? Allô? Oui? Tu sais que c'est pas drôle, là. Calice. OK, un autre appel. Oui, allô? Bonjour! Oh, bonjour, monsieur. Je suis gros. Bon, c'est quoi votre nom de famille? Landry. OK, bon. Oh, Chris, je vais faire ça. Fuck it, je recommence. Allô? Bonjour. C'est moi, Bruno Landry. Ah, pom pom pom pom. Faites attention de pas tomber, là. Je pense qu'il y a une pluie de bananes. Oh non, mais je suis pas en enregistrement, là. Là, il y a beaucoup de... Il y a plein de gens qui comprennent pas comment ça se passe, les enregistrements de rire et délire. Moi, j'écris tout ça avec ma passion. Plus ça va, moins je sonne comme Bruno Landry. Bonjour. Ici, Ernaud Lapointe. Mais vous êtes combien, d'ailleurs, ce téléphone-là? Vous êtes où, là? C'est moi, Léopold. Hé, Rogatien! Et vous serez de retour après cette pause? Je suis schizophrène. Ça, c'est tout ce que je fais dans mon rôle. Quand j'enregistre rire et délire, c'est pas facile d'enregistrer la... Tu sais, quand une madame se pète la face sur le plancher, moi, je suis là. Tu sais, la madame, elle se promène sa piscine, elle fait 2-3 stepettes, puis elle tombe dans l'eau, pom pom plou. Je sais pas, c'est pas évident. Là. Moi, je passe mes journées complètes à écrire des trucs. Est-ce que vous en faites trop, puis là, même dehors, dans la rue, quand vous voyez du monde tomber, ou bien se promener, vous faites des bruits comme ça aussi? Aujourd'hui, il y avait du verglas, et c'était parfait. Je me tiens proche des gens qui tombent, puis je les regarde, puis je fais « Oh, il va tomber peut-être, mon oncle Marcel, oh, pom pom pom, tombe sur les fesses. » Puis j'enregistre tout avec mon iPhone, puis avec ça, j'ai la moitié des vidéos de rire et délire que j'ai pas besoin de reprendre de « America's Funniest Home Videos ». Ça nous coûte moins cher. En plus, c'est local. Les gens, ils aiment ça se voir se calisser à gueule pendant que moi, je commande par-dessus. C'est-tu quoi que vous vouliez faire depuis que vous étiez petit? Moi, je suis sorti du vagin de ma maman en faisant pom-pom-pom. Tout ça t'a filmé. On a gagné America's Funniest Home Videos de 1956. Ça m'a donné la piqûre. Et piqûre? Oui! Le podcast Épicure, c'est moi. Tout ce temps-là. Bruno Landry. Littéralement le podcast, pas la personne je qui le fait. Je suis le podcast. Je vais... C'est... Ça ressemble étrangement à battre un cheval mort, tout ça. Pop, pop, pop. Pom, pom, pom. Permettez-moi de faire 3-4 pirouettes et de partir vers mon avion en forme de guilla. Ah, oh, dis que toi t'es mauvais! Ça a tout l'air! Ça, oh, Chris! Y'en a pas un, man! Ben, on a 46 minutes, et sûrement 5 minutes de récupérable là-dedans. Lui, il va faire 40 minutes, man. Max. C'est une bonne chose. Hey! Pas un autre appel! Quelque chose de fou! Quoi, ça? De loufoque. Je me suis acheté 2 vitamines water à la pharmacie. Ouais. Parce qu'il était à 2 pour quelque chose. Ça, si tu parles à la chanteuse... André? André Pharmacie? André Water. Bref, j'en avais un dans les poches, puis l'autre dans les mains. Puis en montant les marches, il est tombé dans les marches, puis j'ai comme, oh non! Quand je suis descendu, j'allais le chercher, le bouchon avait pété, perdu toute la vitamine Water. Le bouchon? J'ai perdu un, Chris. C'est correct que les escaliers sont pleins de vitamines maintenant. Ouais. Parce que moi je comprends pas cette eau-là. Tu mettrais ça dans les mains et puis je ferais comme... Oh, je sais pas ce que ça fait, mais c'est cool. Moi, je fais ça des fois. Genre, à court, ben, elle joue, ben... À un moment donné, elle arrête, la fait. C'est tout. Pas facile, la vie d'un chien. Non! Concours web internet gratuit. Le concours de la vie. Participez au concours du Québec. Concours. Concours. Hey, on a-tu des participations au concours cette semaine? Oui, on a une. Une seule? Une seule. Bon, ben... je veux ça. C'est quoi ce concours-là? Je veux m'entrer. Ah, tout de suite. Bonjour, Sam. Qu'est-ce que c'est un bébé qui parle dans du sang? Mange mon vomi. Puis là, je me suis réveillé le lendemain, une fesse. J'étais allé aux toilettes, ça sonnait de même. T'amplifies le son, ça donne ça. Un sourire d'enfant. C'est mieux d'être bonne si t'as pris une pizza là. Oh là là. Hey, bravo Charles. J'ai hâte de voir si c'est toi qui vas gagner. Je pencherai vers le non, mais je vais pas dévoiler la surprise là. On verra. Mm-mm-mm. C'est un vrai Vera ça, ce Charles. Et Vera. Hey, faut que je trouve de quoi à dire. Parce que j'ai mal, là. Ouais, il faut un dernier vrai truc, genre. Ok, Hey, non, ça veut pas aujourd'hui, hein. Qu'est-ce que c'est dur, voyons donc, toi. Moi, avoir su que c'était dur demain, mais j'aurais pas fait de podcast. Moi, tout est facile, ça. Et personne nous écoute, pareil. Personne va s'ennuyer, nous autres. Ok, delete, esti. on va copier les informateurs, puis je vais m'inspirer de faire random sur Wikipédia, puis au lieu de faire de l'impro, ben je vais juste essayer de parler de ce que je vois. Fait qu'on va faire le Python random qui est... Ouais. Hey, non, mais attends, on fait une course à le premier qui... C'est quoi? Il y a une touche hein, pour faire random, non? Ok, premier qui parle de quelque chose qui a rapport au podcast. Notre podcast, pas en général. Fait que là, on dit en même temps qu'est-ce qu'on trouve, là. Ouais, c'est plate comme jeu, man, ça marche pas. Ben, faudrait au moins décrire ce qu'on trouve. Si on fait juste cliquer et on fait une course, c'est plate en tabarnak, là. C'est malade! Mais c'est mauvais, gars, je vais te dire, le premier résultat que j'ai eu, moi, c'est... Je sais même pas quoi donner. Sam Gemind Graf Schaff Oya. La salle Gemind Graf Schaff Oya est une intercommunalité du cercle et arrondissement de Niebourg-sur-Weser, en Bas-Saxe. Ah! En Bas-Saxe. Depuis le 1er janvier 2011, elle comprend l'ancienne Sagmengmeng Extrup. Christ, je peux-tu empoigner un qui se dit? Moi, c'est Salus Populus Suprema Lex Est. La maxime latine peut être traduite par le salut du peuple est la loi suprême. Puis il y a une petite. Il y a un grand sceau de l'état du Missouri qui porte l'inscription, puis il y a deux os. Ah, c'est plate. Non, je peux pas tout décrire ça. C'est ridiculement là. Ouais, non, hein. On se gardera ces petits plaisirs-là pour une autre fois, pas dans le podcast. Quand on va vraiment avoir envie d'avoir plein de plaisirs, là, on fera ce jeu-là. On aurait dû faire le spécial boire, man. Ben non, on aurait été mauvais, on aurait été fatigué puis pacté tout de suite. Justement. Ok, Hey, sais-tu, question? Ouais. Es-tu raciste de des fois, genre, je m'amuse à. Quand je vois Molly, ben, genre, je suis tout seul, je m'amuse à faire. Moru! J'appelle Molly comme ça, comme si je parlais en japonais. Ça me fait vraiment rire. Oi! Moru! Ben, c'est pas raciste, parce que dans le sens, ce qui est raciste, c'est à la base, c'est l'intention, là. Ouais, c'est vrai. Et si ça vient pas, tu fais pas ça à ton chat pour lui faire passer le message que Molly, les japonais, c'est des mardes, puis je veux que tu comprennes vrai, ça quand je les imite, quand je te parle. Ça, ça serait weird en compagnie de gens japonais autour de toi, mettons, qui t'es pas proche pis que t'es connais pas. Mais avec ton genre, on lisse, là. Moru! On dirait que tu dis moru. Ouais, mori. Mori! C'est quoi ton nom en japonais, déjà? Mathieu. C'est pas genre Materu, je sais pas quoi. Materu. Tu n'es tout comme ça. Oui. T'as appris des cours de japonais, toi, à l'université. Ouais, je l'ai fait pendant un an, même je rappelle de rien. Même pas un mot, à part Moru. Pas vraiment, man. Non, je pareil. J'ai fait deux cours d'italien, puis je me souviens de rien. C'est vrai. Je me souviens de marmotte. Crise de tonne marde. C'est marmotte, pas crise de tonne marde. Ah. Oh. Crise de tonne marde, oui. C'est grossa marmotte. Non, je sais pas. Grossa ta de mardo. C'est je probablement je serais capable un petit peu de décoder en lisant, mais oublie ça. Ouais. Je pourrais pas écouter un film en italien puis comprendre. Ouais, mais ça prend du temps quand t'apprends une langue d'être capable de d'écouter de quoi, mettons, puis de pas avoir à lire ou quoi que ce soit, t'sais, pas mettre de sous-titres. Ça prend du temps puis ça prend de l'entretien aussi. Ouais, c'est t'sais, ça. Il aurait fallu que je consomme des médias italiens puis que je m'emprègne un peu plus de ça, ce que j'ai pas fait. Il se fait quoi comme médias italiens? Je sais pas, j'en consomme pas! Il doit faire des... Parce qu'il y en a pas. J'ai vu un film italien récemment, pis c'était Peintulip et Comédie. Parce que les spaghettis, ça s'écoute pas. Ben, si tu colles ton oreille, t'entends une mère italienne. Mamma mia! Reviendo, Angelo! Ce segment-là est un peu insultant. C'est ça, c'est pas raciste, c'est dumb. c'est juste retardé. Ah non, on a dit le mot retard. Ah, fuck! Ok, je vais refaire random sur Wikipédia. Je vais me trouver quelque chose, là. Check bien ça, toi. Mathieu, tu connais-tu John Frank Stevens? C'est un ingénieur américain. Chris, attends, là, c'est parce que je t'ai pas dit, là. Il a construit le Great Northern Railway aux États-Unis. Puis c'était l'ingénieur chef du canal de Panama entre 1905 et 1907. Nice. Ça, c'est après Molson, jeune depuis 1903. C'est ben trop vrai, ça. Fait que Chris, il ressemble un peu à Ron Swanson. Il a la même moustache que Ron Swanson. Fait que si vous voulez voir une image mentale de John Frank Stevens. J'ai dans mes notes. Ok, là, on va faire des B-sides. On va aller voir dans mes vieilles notes si j'ai pas des affaires que j'ai pas dit. Nice, ok. Ok. À date, c'est pas fructueux. Ok, j'avais une affaire, puis c'est plate. Ah, puis je dirais pas ça, c'est plate. Ah ouais, le Chris, ça peut pas être pire que le reste. Ben, d'autres choses, je vais partir sur d'autres choses. Ok, je suis un peu loin du micro, il va sonner le cul. Câlisse. Tu savais que j'avais mon permis d'apprenti, apprenti conducteur depuis bientôt 10 ans. Je vais fêter mon 10e anniversaire de permis d'apprenti de permis de conduire. Nice. Dans ces 10 ans-là, j'ai pas vraiment conduit. Mais à partir du mois dernier, en fait, il y a 2 mois, Sarah a commencé à me forcer à conduire en disant comme, ben, Chris, on faut que tu conduises un moment donné, gros cave. Fait que la première fois, c'était... tu sais, j'ai vraiment pas conduit parce que c'est quelque chose qui me bloque, là, dans le sens où j'ai comme fait, ah, oh, Chris, genre, ça m'overwhelm de penser comme, oh, faut que je conduise, fuck, genre. Puis là, elle m'a juste fait conduire une fois cet automne d'un stationnement. Ouais. Puis c'était le soir, là, fait que stationnement vide avec 2-3 véhicules, puis man, j'étais pas bien, là, j'avais crissement de la misère, je me promenais, si j'avais un autre char, je capotais ben raide, j'ai voulu changer de place crissement vite, genre, ça a duré 20 minutes, puis j'étais pas bien, puis j'avais pas vraiment reconduit depuis ce temps-là, sauf que en janvier, on est allé à Burlington. Mm-hmm. Puis pendant le trajet à Burlington, ça me dit juste comme, veux-tu conduire la ride jusqu'à l'hôtel à Burlington? C'est juste après les douanes, puis j'ai juste fait comme, ok. Je l'ai fait, puis genre là, cette journée-là, j'avais zéro stress, puis ça a vraiment bien été. Genre. Faut juste pas que tu y penses. Ben c'est ça, exact. Puis là, je me rends compte que j'aime ça conduire, mais faut pas que j'y pense. Ouais. Parce que quand j'y pense pas... Tu sais, genre, on est allé dimanche passé, on est allé juste aller chercher quelque chose à manger, puis c'est moi qui ai conduit cette bout-là. Puis genre, comme j'étais fatigué du matin, ça allait super bien, je conduisais bien, je pensais pas trop mes affaires. Mais la journée d'avant, elle essayait de me faire conduire, puis je pensais juste à « Oh fuck, genre, là, puis là, faut que je pense à ça, puis là, j'étais ridicule, puis j'overthink tellement tout. » Pis hostie que ça me gosse, là, Chris, d'over... Tu penses qu'il faut que tu penses, genre. Oui, c'est ça, mais ça m'écœure d'être comme ça, parce que tout... Ça fait que tout est compliqué pour rien. Tu sais, là, conduire, c'est compliqué pour rien. Avoir des interactions avec du monde, c'est compliqué pour rien. J'étais une crise de merde, là, souvent. À le laisser aller, là. Puis je devrais, là, parce que... Tu sais, en interaction sociale, là, je suis une bouse, là. Tu sais, c'est ridicule comment que... Si tu me connais le moindrement, je vais être super à l'aise, puis c'est correct. Mais si t'arrives à un moment que je m'attends pas à ce qu'il y ait une personne à ce moment-là, là... genre, parce que je l'ai pas calculé d'avance que j'aurais une interaction, là, c'est ridicule comment que je vais être la personne qui va te mettre dans les plus mal à l'aise, là. C'est, ça se peut même pas, genre, je comprends même pas, tu sais, c'est arrivé comme juste après-midi, parce que, genre, je croise un gars qui travaille avec moi aux toilettes, puis genre, c'est comme, pas une interaction de toilette, ok, bon, ouais. Puis genre, j'étais, Chris Marker, du tabarnak, là, mais l'avoir, tu sais, l'avoir calculé que, ok, tu vas croiser cette personne-là d'avance dans les toilettes, ce qui est impossible à prévoir, parce que ce serait con, mais, dans le sens, si j'aurais été correct, là. Mais, si mais je pense que c'est toi qui s'apprends, c'est genre, au fur et à mesure, c'est... en en faisant plus, puis en, je pense que c'est en vivant des, justement, des situations de même et plus intense, ceux-là, ils deviennent tellement ridicules que tu y penses non, plus. Je sais, mais... pas ridicule, là, dans le sens, c'est... Tu sais, pas dans le sens que c'est rien, mais... Mais on dirait que ça revient. Ça revient tout le temps, tu sais, comme conduire, c'est pas... Moi, je pensais, quand je vais conduire aux États-Unis, c'était 2 heures sur des autoroutes, puis dans les villes, puis c'est comme ça allait bien, je pensais que c'était comme, ah, oh, c'est là que ça a débloqué. Puis ça allait bien, comme la semaine d'après aussi, ça me faisait plus conduire, puis tout. Puis je pense que ça a débloqué, oui, mais... Le côté que de moi qui overthink tout revient pareil systématiquement. Genre, même si j'étais super à l'aise pis que ça allait bien, là, la moindre affaire, c'est comme « Fuck, là, je vais conduire, là, je tourne là, faut peut-être que t'apprennes à, genre... Je pense que c'est ça, faut que je travaille fermer cette voie-là, genre, tu sais, dans le sens de, tu le sais, c'est un peu comme, mettons, ça a peut-être aucun rapport, mais c'est un peu, genre, moi, j'ai tout le temps peur des maladies, là, fait qu'aussi, ouais. Genre, j'en ai pas une... Aussitôt que je suis pas malade, ben j'ai pas mal quelque part, je vais penser que j'ai mal à quelque part d'autre. Genre, c'est comme une voix, pas une voix, c'est pas littéralement quelqu'un dans ma tête qui est comme « Mathieu, Mathieu ». Mais tu sais, c'est comme un feeling qui... T'es tellement habitué que quand tu l'as pas, c'est comme bizarre puis tu te forces quasiment à l'avoir. Genre, puis faut que tu t'apprennes à être oh, « c'est correct, c'est normal de pas avoir ça, ben de pas l'écouter. » Mais ça marche, tu sais, je dis ça puis j'ai tout le temps peur pareil. Ouais. Mais... non, il faut que je travaille là-dessus. Là, mais c'est moins pire. C'est clairement, c'est le, moi en tant que personne qui a un chemin à faire encore. Là. Ouais. Je pense que c'est normal. Genre, il n'y a personne qui n'a pas de problème dans de quoi. Là. Oui. Bruno Landry. Barack Obama. Ouais, ben, ouais. Ouais. Hey, on a un appel, je pense. Bonjour, les sorbets. Bonjour, ici Barack Obama. Barack, esti, mon vieille branche. Comment ça va? Ça va très bien, je suis en skate. Ben oui. Très, très street style. Très, on vous reconnaît là-dedans, monsieur ben, Barack. J'ai plus le temps, bye. Ouais, mais il se content qu'il soit parti ouais, parce c'est... que, tu sais, lui, il arrive au moment où on a une conversation qui se peut. Calisse, man. Est-ce-tu de Barack, hein? T'as comme un cheveu sur la soupe. J'ai raté Barack Obama, man. Ben, vu-tu, je le rappelle? Non, ça va. C'est, tu sais, des blagues qu'on tue, là. Ouais. C'est comme mentionner Steve puis le censurer, là. Tuer des blagues. Mais c'est peut-être un... C'est genre... Tu sais, les affaires de voix négative, c'est autant un... Je pense que c'est autant comme un addiction que quelque chose de positif, là. Tu sais, dans le sens, c'est tellement... T'es tellement habitué d'avoir ce feeling-là que pas l'avoir est aussi pire que l'avoir, genre. Tu sais, comme... Je parle de la part des maladies, c'est ça. C'est genre... Je suis trop habitué, genre, d'avoir ce chemin-là, genre, dans ma tête, que c'est toujours ça. C'est genre... Il y a de quoi... Genre, je sens quelque chose sur mon épaule... C'est impossible que j'aille d'une autre direction que j'ai le cancer. Genre, mais c'est ça, cette affaire-là, le fait que j'aille dans cette direction-là, c'est parce que, genre, je l'ai trop entretenu quand j'étais plus jeune. Puis j'ai pas fait, genre, tu sais, autant que tes bonnes habitudes, c'est la même chose aussi. Fait que faut-tu que tu passes par là constamment, puis que tu te ramènes. Dans le fond, c'est pas, t'as plus ce sentiment-là, c'est que tu laisses plus t'affecter autant. Mais c'est tu fais comme ça, t'sais, la voix dans ta tête va te faire comme c'est un cancer et plus c'est pas un cancer Chris ouais, c'est ça. Mais je pense que ça dépend aussi c'est un Cheetos. Moi ça dépend comment je feel parce que tu sais il y a des fois où je vais juste pas m'en rendre compte que j'ai genre je sens quelque chose quelque part c'est parce que là genre je suis focusé sur autre chose pour vrai parce que c'est le genre de problème qui arrive juste parce qu'on a plus à se défendre tu sais dans le sens qui arrive parce que c'est pas comme si on était sur le bord de mourir tout le temps parce qu'il y a du monde qui va nous attaquer avec des épées. C'est juste parce que genre il y a rien de plus stressant dans la vie que juste ben ça se peut que tu meurs à un moment donné d'une maladie. Ou genre c'est comme il y a comme un niveau de sécurité qu'on a atteint qui permet ça. Ouais, c'est vrai. Ben permet qui ouais parce que je sais que moi c'est aussitôt que j'ai genre un vrai truc stressant ou un vrai truc qui m'arrive ou positif aussi hein. Qu'il va prendre genre mon attention à fond, je vais pas penser genre aux maladies puis à ces trucs là, c'est genre je vais être automatiquement focusé sur l'autre truc qui va prendre tu sais de la place dans ma tête plus que l'autre. Mais ouais. J'ai pas... on a déjà parlé souvent, mais j'ai pas peur de la mort. C'est pas quelque chose qui est constamment dans ma tête. Ou vraiment pas. J'ai plus peur quand, tu sais, genre, si j'ai peur d'une interaction avec quelqu'un ou si je réagis awkwardement ou peu importe, c'est pas... Ben, j'ai peur qu'il me tue. j'ai une énorme peur d'être jugé. Parce que c'est automatique, puis je juge tout le monde aussi, là. Tu sais, on s'en crisse, là, ça change rien, là, même si quelqu'un dirait comme, il est donc ben weird, lui, ouais, pis, genre, ça fait juste que, genre, à la limite, ma réaction fait que c'est pire. Ouais. Tu sais, pis, mais c'est con que j'y pense, tu sais, vu que je pense trop à ça, je vais agir en fonction qu'il se passe rien, mais c'est pire, c'est comme, tabarnak, fait juste être quelqu'un. J'aimerais ça m'en crisser, juste, je suis tellement pas capable de ça, j'ai jamais été configuré à juste m'en crisser de quelque chose. Ouais. Genre, faut, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est, ça gosse. Non, mais je comprends aussi, c'est genre... ouais, je sais pas, il y a toujours une peur, ouais, avec l'interaction des gens. Je suis tout le temps... Moi aussi, c'est genre, si quelqu'un m'a pas parlé au travail, des trucs comme ça, je suis comme, même pas, c'est sûr! Puis genre, je sais pas, ça va faire que personne va m'aimer! Ouais, juste dire, tu sais, juste partir dire salut dans un groupe ou arriver, c'est con que ça me stresse, puis que ça soit ridicule. Puis ça devrait être l'affaire la plus facile, là. Mais je commence à m'habituer, moi, genre ça, c'est un autre... Tu sais, il y a ma peur des maladies, puis l'autre, c'est genre la gêne, puis la peur de pas être accepté par les autres, genre. Ouais. Moi, c'est ça, là, la peur avec les gens, c'est qu'ils m'aiment pas. J'ai comme j'ai peut-être ça, mais moi, j'ai pas... Moi, c'est hyper selfish, c'est ben vraiment... Ouais, mais je pense que tout le monde est un peu comme ça, en tout cas, moi, beaucoup, mais tu sais, c'est pas... Oui, je veux que tout le monde m'aime, mais je m'arrangerai pas pour que tu m'aimes si tu me parles pas. Tu sais, j'irai pas te chercher. Je sais pas si c'est clair. Comme si tu t'interagis avec moi, je vais m'arranger que ça soit... En général, le monde avec qui je travaille me déteste pas. Je pense parce que moi aussi, je suis comme easygoing avec tout le monde, puis je m'adapte avec tout le monde, puis mais je parle pas non plus. Mais si tu me parles, je vais être super sympathique. Mais moi, je parle tellement sans arrêt. Même pas moi, pour vrai, là, je suis dans ma bulle, puis j'écoute de la musique, puis des podcasts la crise de journée. Ouais. Je suis tellement dans ma bulle. En plus, je suis pas à la même place qu'avant, vu qu'ils m'ont changé de place. Comme à l'école. Mais c'était pas à cause de moi, mais là, ça fait que. Le monde avec qui j'osais plus, justement, là, ils sont plus loin, comme, ok, là, ok, ouais. Les deux à côté de moi sont plus jeunes, puis on se connaît pas tant, je suis comme, ben. J'essaie de me forcer. J'arrive plus tôt que vous autres, pas pour rien, que j'ai mes écouteurs d'avance, fait que je focus sur mon écran quand vous arrivez, je vous dis même pas salut à les filles, genre. Non, puis j'étais vrai, là, c'est quoi, disais juste salut à l'autre. Moi, j'essaie de me forcer de temps en temps à parler à du monde, mais c'est difficile. Ça dépend tout le temps aussi des passes, là. Il y a des passes où je suis comme, ah, je suis un gros caca, je peux pas parler à personne, genre, je suis vraiment pas le fun. T'en as d'autres, t'es comme, ah, who cares? Puis là, je parle à, genre, peu importe qui. Mais ce que j'haïs, moi, c'est aussi genre, tu sais, quand tu vas prendre une bière, genre, on travaille des fois, on a des bières, pis c'est genre, tu sais, il y a des groupes de gens qui se parlent. Ouais. Je vais pas me lever pour aller dans le groupe. Même si c'est un peu du monde que je connais, à moins qu'il y ait genre mon meilleur ami dans le groupe, là, je vais pas faire allô. Bye. Ben, si je spot quelqu'un que je m'entends bien avec, je vais m'arranger pour peut-être rentrer dans son groupe, là. Mais, je sais pas. J'ai évité ça cette année. Je suis même pas allé au party de Noël. C'est comme le réseautage. Ça, là, c'est le cauchemar. Genre, on est allé dans un event de... C'était genre l'architecture et le jeu vidéo, puis il y a du monde de plein de domaines. Puis c'était... Tu sais, on était pas gros, une trentaine, mais c'est genre... Je connaissais... Tu sais, on était allé avec deux, trois amis. C'était pour faire du... Tu sais, il y avait une partie réseautage, fait que prendre une bière, parler à du monde que tu connais pas, là. Oh non! Nope. Ça, là, jamais, man. Jamais! Je serais jamais capable de faire ça naturellement, man. Je suis capable de faire, genre, d'avoir l'air invitant, c'est dans le sens de sourire à quelqu'un puis qu'il vienne parler, mais si, moi, j'irais pas parler. Mais le sourire, il fait comme, ouais, mais non. Ouais, c'est ça. Si t'arrives, je vais te dire, je sais pas ce que ça fait, mais cool. Ouais, exact. Je sais pas quoi poser comme question à quelqu'un que je connais pas, man. Est-ce que je suis pas capable? Ah! Mais tu sais, même, mettons que dans un avenir approché, il y a quoi, un genre de meet-up, de podcast ou peu importe, ou un event, ou tu sais, qu'il y a plusieurs podcasts. J'aimerais ça, man. J'aimerais ça, mais je vais être aussi de merde pareil, là. Ouais. Genre, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait la bière. Ben, Chris, oui, Chris, puis j'arrive sous déjà, là. Dans le sens, c'est comme, non, mais dans le sens, je suis qui, moi, j'ai pas envie de me présenter comme, ah, salut, Sorbet, c'est moi, tu sais, comme, genre, mais quoi? Je suis personne. C'est ça, exact. Ah, je connais pas ça. Ben non, tu connais pas ça. Ben, tu sais, je pense que c'est normal, tu sais. Moi, je fais tel podcast. J'ai pas écouté non plus. Fait que ça va être... J'ai dit... T'as dû l'upvoter une fois. Ouais, c'est... Ah oui, oui, je me souviens. J'étais déjà mis dans le top 5. C'est moi, monsieur entrepreneur hors-piste. Ah, Chris. Là, t'entends une voix en écho. C'est moi et l'autre côté, sauvez-moi. Je suis dans une dimension parallèle. C'est pour ça que son épisode fonctionne pas. Là. C'est compliqué. Hein. Non, mais ça serait... Oui, ça serait nice rencontrer... Il y a un truc qui s'en vient à Montréal, c'est le roast de Yann Theriault, mais tu suis pas tant le stream, fait que peut-être ça te touche moins, mais il va avoir toute sa gang à lui, puis plein de podcasteurs, puis ça se passe au brouhaha, puis je sais plus c'est quand. Puis là, je sais pas si c'est déjà plein ou whatever, je me suis même pas informé de savoir c'est quand. Mais j'en ai entendu parler dans une couple de pods. L'événement, c'est le roast du stream, qui sera au Brewpub Brouhaha à Inzik le 8 avril à 19h. L'équipe du stream, Dan, Isa, Sylvain, Seb et Rémi, accompagnés des trois gars de Jamais Content, vont se payer la gueule de Yann Theriault. Des pods. Il y a ça qui s'en vient prochainement. Puis, c'est ça. À part de ça. Je pense que ça peut conclure notre épisode, ça. C'est une belle discussion à la fin. C'est le fun qu'on ait ça à la fin. En fait, faudrait être capable de starter de même dès le début. Ouais. Puis tu sais, j'ai réécouté le deuxième épisode parce que je cherchais une référence pour faire une joke d'épisode 37, puis je l'ai jamais trouvé. Je pense que je sais plus c'est dans quel épisode. Mais bref, c'était fou à quel point qu'on discutait beaucoup. C'était vraiment des discussions on restait sur un sujet une quinzaine de minutes, puis on se renvoyait la balle, puis c'était quand même poussé. Comme, on a de la misère à faire ça maintenant, je sais plus si c'est parce qu'on a plus rien à dire, mais comme, là, tu sais, comme non, tantôt, parce... ouais, pa- c'est les... comme là, ouais. Si on est pogné par défaut, là, on tombe en bonhomme, puis en impro poche, puis <t'sais>, par défaut, ça devrait pas être notre béquille de faire des petits personnages mauvais. Non, c'est ça, au moins, il était bon. Mais c'est ça, c'est au moins, il fait comme, qu'est-ce qu'ils sont drôles, j'espère qu'ils en font plus, c'est comme, non, tabarnak. Tu sais, on pourrait le remplacer pour du white noise, puis ça reviendra au même. Ben c'est ça, il ferait comme, c'est donc ben bon d'un coup. Ah, ça relaxe. Ouais, mais ouais, faudrait essayer de, je sais pas, trouver des sujets plus personnels, un peu comme ça, c'était cool, mais en même temps, on dirait que c'est assez à faire, parce que je sais qu'on a déjà parlé de ça, genre, de stress, puis d'awkwardness, fait que genre... Ben, c'est correct, ça fait comme 3-4 épisodes qu'on revient tout le temps avec les mêmes affaires qu'on a déjà dit, fait que c'est comme un cycle. Ouais, c'est ça. Fait qu'on peut recommencer, on va retrouver les autres vieux sujets, on va parler bientôt de Babu à la planche, puis... du groupe Panda Léon, là, ça revient tout dans une boucle. Ah, c'est bon, ça. Bon, hey, ça conclut notre épisode palpitant numéro 37. C'était succulent. C'était le pire. Oubliez pas, on a une belle page Facebook, caractère mou. Sinon, oui, notre Twitter, vrai. Caractère mou. Et notre site web, caractère mou. .com. Puis, on a un SoundCloud? Avec on a un SoundCloud avec nos moins pires moments. Si vous avez des idées de moments moins pires à mettre, si je vais probablement pas mettre aucun moment de cet épisode-là sur le SoundCloud. Mais comment ça, le bout de Barack Obama t'as pas convaincu? Moi les cheveux ça soupe. Tu sais les cheveux ça soupe. Tu vois les cheveux ça soupe. Les cheveux ça soupe. Et je fais ça à ça. Moi, tu m'arrives qu'un cheveu ça à ça, puis je fais. Je sais pas ce que ça fait, mais cool. À la semaine prochaine! Ok, après le générique. Je suis humain. Ok. C'est une bouteille de vitamine water avec juste un petit peu d'eau. Tu l'as pas échappé dans les marches, celle-là? Ah, c'est l'autre. Ah! Ok, attends, moi aussi. C'est fou l'éventail de son. Je fais assez plus, vraiment. Nice! Mais on a un band maintenant. Vous avez retrouvé cette chanson-là sur Bandcamp.